De mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe de bord. Pendant la nuit, la lune ne me frappera point, le soleil pendant le jour. Tu y es tout pour moi. Laisse-moi te dire quelque chose, Seigneur, que je t'aime tant. Laisse-moi t'adorer, t'élever, Seigneur, tu y es digne, Jésus. Alléluia. Il est tout pour moi. Il est tout. Il est ma vie. Oh, yes, ouais. De la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Tu y es tout pour moi. Tu fais tout dans ma vie. Tu y es toute ma vie. Jésus, tu y es toute ma vie. Il est ma vie. Éternel et tout. Il est tout pour moi. Il est ma vie, éternelle.